Blérotin, chaton, aiglon et serpenteau, par Liachoura. Il était un simple petit blaireau. Il n'avait rien de sensationnel, juste des bandes noires et blanches sur la tête et un gros corps duveteux d'un gris un peu brun. Châtaigne, disaient certains. Bistre, disaient d'autres. Les enfants, eux, ne s'en préoccupaient pas. Ils préféraient glisser leurs minuscules doigts dans sa fourrure quand elle était pleine de terre, de morceaux de feuilles mortes et d'une transpiration un brin poisseuse. Il n'était pas dérangé par son odeur sauvage, un relent fauve que sa coquetterie ne supportait pas. Alors il se dandinait tous les jours vers des points d'eau pour retrouver un lustre parfait et un parfum de pommes bien mûres. Il y passait des heures à s'ébrouer, se brosser et se récurer avant de sécher au soleil sur une pierre chaude. C'était sa petite vie de blaireau. Et il l'aimait. Près de la rivière où il avait pris l'habitude de se baigner, il croisait souvent le chaton orange, un abricot tout sec, ou une pêche peut-être. Un gringalet au pelage hérissé de partout, à la courte queue cassée tout du long et aux yeux ronds comme des billes, qui lui donnait l'air un peu fou. Cette pelote de griffes molles se croyait aussi fort qu'un lion. Il était bizarre. Bizarre mais drôle. Et entre bêtes bizarres, il s'entendait bien. Blaireau adorait l'écouter raconter ses âneries. De grandes histoires épiques à coups de rhino féroce, hippotam-tam ou éléphant, assaisonnées de cabrioles improbables, de jougidjou, rocambolesques et de victoires arrogantes. Il pouvait presque l'imaginer porter une jolie cape cerise qui flotterait dans le vent. Presque. Parce que si Blaireau laissait vagabonder son imagination, il ne pourrait pas s'empêcher d'ajouter des petites bottes en cuir brillant sur ses pattes arrière et une ceinture à boucles d'or autour de ses flancs. L'attirail lui irait si bien. Surtout quand Chaton sautait sur le plus gros caillou comme si c'était un énorme piédestal. Le rocher des lions, qu'il l'avait appelé. Dans sa tête, Blaireau voyait les rayons du soleil illuminer les grosses balles rouillées de chaton levées vers le ciel. C'était mignon. Alors qu'il faisait sa toilette, pour une fois seul, il entendit ricaner. C'était au-dessus de lui, dans l'arbre mort qui voulait pas tomber dans l'eau, celui sur lequel ils aimaient faire leurs griffes, et ça sentait la coquille d'œuf bien fraîche. La truffe frétillante, Blaireau laissa ses petites prunelles remonter le long du tronc terne. Son museau finit par pointer vers une boule de plumes pleine de bourre. Un chocolat blanc, tacheté de lait, planté d'un ridicule triangle teinté de beurre, à la manière d'un morceau de fromage à pâte cuite noirci dessus. Ça se dodelinait sur des serres, comme des boudins couleur paille, et ça prenait une pose de jaune impérial. « Ne l'attends pas, il s'est fait un nouveau copain !» La friandise caquetait d'une voix de crécelle qui lui faisait mal aux oreilles. Il avait l'air tout fier de lui annoncer la nouvelle et passait d'un bourrelet sur l'autre, à la manière de chaton qui s'apprêtait à bondir sur un papillon. « Bonjour, » fit Blaireau incertain. « Je l'ai vu, je vois beaucoup de choses puisque je suis si haut, et ton ami ne viendra pas. » « D'accord. » Blaireau ne savait pas quoi répondre. En tant que bête bizarre, se lier avec d'autres était rare. Il ne pouvait qu'être content pour lui. Mais le chocolat surmonté de fromage n'avait pas l'air de cet avis. « Eratastok me l'a dit !» insista la main de plume. « Le rongeur est vilain, mais il ne ment pas. Foi de vie ne venir, ta citrouille velue t'a remplacé. » Il avait l'air tellement sûr de l'offense que Blaireau ne put qu'afficher un air outré. « C'est terrible » singea-t-il en reprenant le brossage de son pelage. « Ah là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Ce n'était plus très intéressant, mais comment congédier la sucrerie sans paraître maladroit? Il avait plus important à faire, retirer ses poussières de sa fourrure cannelle. Ça faisait des miettes dans les doigts des enfants du village quand il le peignait et Blaireau détestait voir leurs menottes toutes sales s'approcher de lui. « Je peux te montrer où ils sont !» sautilla le Raffaello en agitant son bout de comté. « Suis-moi, je connais le chemin !» La boule de chocolat s'ouvrit pour mieux montrer le moelleux de son ventre crémeux et se mit à battre ses appendices. Le mouvement était maladroit, quelques touffes de plumes poilues s'accrochèrent à l'écorche du frêne trépassé, les serres trop grosses pour son corps glissèrent et il faillit s'écraser au sol. Apparemment, cette chose manquait de pratique. « Viens !» répéta la gourmandise volante qui s'éloignait en zigzag. Blaireau soupira. Sa toilette allait devoir attendre. Boudeur, il se hissa sur la berge et secoua ses membres l'un après l'autre. En plus, il n'avait pas le temps de sécher. C'était infâme. Il espérait ne pas attraper froid avec cette brise fraîche. À chaque pas, il s'ébrouait dans l'espoir d'essorer plus vite. À chaque pas, il frissonnait du contact de l'air sur ses poils humides. À chaque pas, il grimaçait de la sensation désagréable de la terre sèche qui collait à ses coussinets mouillés. Il était encore plus crasseux qu'avant d'entrer dans la rivière. Sa lassitude se transformait en irritation. Pourquoi suivait-il un aiglon inconnu à peine sorti de l'œuf déjà ? Il leva sa truffe vers le ciel dans l'espoir que l'oisillon l'avait oublié. Peine perdue. Il dessinait de petits cercles dans le vent et manquait de percuter un arbre ou de s'aplatir sur un rocher à chaque coup d'aile hasardeux. Blaireau avait un peu pitié, alors il reprit vaillamment la marche. Et de son allure lente et laborieuse, il rejoignit l'aiglon survolté. Après d'interminables minutes, durant lesquelles Blaireau se planta une épine entre les griffes et manqua de tourner de l'œil, ils parvinrent enfin à destination. Une jolie clairière avec une petite mare en son centre. La lumière dorée de cette journée de printemps jetait ses éclaboussures, çà et là. Les buissons verdoyants dressaient une barrière contre le vent frais, et la canopée frémissait une berceuse plus douce qu'un murmure. Ça aurait été l'endroit parfait pour une baignade si la flaque n'avait pas été aussi boueuse qu'un café aux lérances. Hors de question d'y tremper la patoune. « Je te dis que je suis le plus grand des guerriers !» Ah, le feulement de chaton. Et son toit arrogant aussi. Intrigué, Blaireau pointa sa truffe vers la source de l'agitation. Il aperçut son ami en pleine envolée lyrique, à tracer des courbes qui se voulaient majestueuses dans les airs, mais demeurait ridicule tant ses pattes étaient courtes. Il se chamaillait avec un tas de feuilles. « Je te montre quand tu veux. Envoie tes frangins. Je te les dépèse d'un coup avec ma technique ancestrale du kung-fu. »« C'est le kung-fu. Et mon papa m'a dit que c'est un art très rare. Si tu ne sais pas le dire, je ne pense pas que tu sais le faire. » Ce sifflement résonnait dans sa cervelle comme le son d'un tocsin. Un serpent. Danger. Blaireau ignora la douleur de ses coussinets et crapahuta aussi vite qu'il put vers son abricot sec. « La parlotte, c'est la gnognotte. Pas besoin de savoir le dire pour le faire. Pas plus tard qu'hier, j'ai tâtonné un... Aïe !» Prévenant, mais pas vaillant, Blaireau venait de mordre la queue de chaton pour le tirer au loin. Il n'allait pas s'interposer face à un fourbe reptile qu'il ne voyait pas, même s'il était immunisé contre son venin. « Zil, tu fais quoi là? Tu me fais mal, arrête !»« Chirpan, fenin !» tenta de résumer Blaireau en se demandant pourquoi il se donnait tant de peine. « C'est un gentil, laisse-moi !» Blaireau lâcha chaton par dépit. S'il savait et voulait quand même mourir empoisonné, ce n'était plus son problème. Le stupide félin massait ses multiples vertèbres déplacées pendant qu'il s'éloignait d'un pas dodelinant sous le ricanement de la boule chocolatée de nouveau stable sur une branche. « Qu'est-ce que tu fais là d'abord ?» râla chaton les larmes aux yeux. « C'est pas l'heure de ta toilette ?»« Je m'en vais, » bougonna Blaireau en poursuivant sa marche cahoteuse. « Tu ne peux pas laisser faire ça ?» intervint Aiglon sur son arbre perché avec son bec de fromage. « Bats-toi pour ton copain !»« Que se passe-t-il » Blaireau risqua un œil en arrière. Loin du péril, sa curiosité prenait le dessus et le forçait à identifier le scélérat qui menaçait son ami. Un bien navrant félon, il devait le reconnaître. Une minuscule petite tête triangulaire pointait dessous les feuillages caramel, garnie d'écailles laiteuses qui lui faisaient comme des dents. Ses petites taches olives sur fond de pistache lui donnaient des airs d'arlequin trop pauvres pour se teindre en nuances bariolées. Ça ressemblait à une couleuvre vipérine, un machin tout long et tout fin, mais sans venin. Il en avait déjà vu quelques-uns, plus gros. Ça lui avait fait un bon gueuleton. Ce n'était peut-être pas si grave, finalement. « C'est lui qui a mangé les racines de l'arbre. Là, vous allez patauger !» s'égosillait la friandise en remuant ses appendices plumeuses. « C'est Ratatosk qui m'a dit. Tu dois le punir !»« Ratatosk ? Ce vil ronzeur ? Il a raconté à mon papa que c'est toi qui as rassé toutes les feuilles. « Mensonge, mensonge ! Ta langue de vipère est un poison, comme celle de ton père !»« Je suis pas une vipère !» siffla la ficelle en dressant son triangle couvert de fausses dents de lait. « Papa m'a dit qu'elles sont mes saintes. Tu es un méchant. Tu as tué leur arbre. C'est pas vrai. » Blaireau se demanda si ses bébés avaient conscience que le frêne en question était passé à trépas bien avant leur naissance. De plus, il n'était qu'un simple griffoir pour chaton et lui. Pourquoi lui donner tant d'importance? Le dénommé Ratatosk devait bien s'amuser. « C'est la vérité vraie !» piailla Aiglon. « Non !» cracha Serpento. « Si !»« Je comprends rien, » miaula chaton. La queue entre les coussinets, il se traîna vers Blaireau et s'assit près de lui pour observer la scène. Il semblait tout aussi dubitatif, quoiqu'un poil plus intrigué et moins désabusé. « C'est quoi l'histoire ?»« Un écureuil fauteur de troubles, » répondit Blaireau en s'installant sur un coussin de mousse. « Ça se mange ?»« Oui, mais c'est pas facile à attraper. »« Moi je peux ?» s'exclama Chaton en sautant sur ses pattes. « Je voulais justement tester ma nouvelle prise de cacraté. Et Oggy voulait pas me croire que je pouvais. »« Oggy ?» « Mon deuxième meilleur poteau, Nidug !» précisa-t-il en pointant le serpentin pistache du bout de la griffe. « Je l'ai rencontré ce matin. Il pleurnichait parce que son papa est pas rentré. » Peut-être serait-ce une mauvaise idée de parler du bon repas que Blaireau s'était concocté la veille. Il avait eu de mignonnes vaguelettes bien rondes sur ses écailles, comme Oggy, bien que plus charnues et d'un intense brou de noix au goût de noisette. « Pauvre petit !» mâchonna-t-il plutôt en délogeant le squam qui s'était coincé entre ses molaires. « Ton nouveau poteau à toi a l'air sympa aussi !» Blaireau tourna une truffe perplexe vers la boule de chocolat blanc saupoudrée de noix de coco qui vociférait toujours des « si » à tout va. Cette peluche, avec sa tranche de beaufort brûlée, gigotait dans tous les sens jusqu'à répandre une bruine de jeunes plumes coquilles d'œufs sur le lézard sans pattes. Misère. Il était donc condamné à l'avoir pour ami. Certes. « Hey, les gars !» s'écria Chaton dans un grand sourire rempli de crocs pointus. « Et si on allait choper ce gros rat ensemble ?»« Un gros rat ?» croissa Aiglon. « Je peux pas, » protesta Serpenteau. « Je dois attendre mon papa. »« Pleutre ! Je suis sûr que c'est cette bestiole qui a kidnappé ton papa. Crois la parole du grand et célèbre Eugni, on va le délivrer !»« Les serpents mangent les écureuils !» rappela Aiglon d'un ton dédaigneux, tout fier d'étaler sa science. « Je le sais parce que je l'ai vu. Je suis haut, je vois tout !»« Je suis pas un pleutre, et j'ai pas mangé les racines d'Yggdrasil. Arrêtez de dire des mensonges !» À cette mention, Blaireau ouvrit grand ses mirettes, au point d'étirer ses bandeaux noirs. La fourberie du rongeur avait-elle des limites? À présent, lui aussi se sentait insulté par le diablotin. C'était lui, la victime innocente de toute cette farce. « Zil ? » fit Chaton, en fixant Blaireau comme si des racines allaient tout à coup lui pousser dans le derrière. « Bah, c'est lui, Yggdrasil. C'est pas un arbre. Tu l'as pas mangé ?» Un silence bienvenu accueillit ses propos, et Blaireau put enfin souffler sa colère par les naseaux sans être interrompu par la marmaille, qu'elle soit de chocolat blanc bleuté, d'arachide verdâtre ou de fruits orangés. Au centre de toutes les attentions, il prit la place qui lui revenait de droit, celle de l'outragé qui avait le devoir de s'indigner. Et pour affirmer présence et prestance, il se dressa bien haut sur ses pattes arrière, dans une posture de tragédien. « Il ne ressemble pas à un arbre ?» se crut obligé de faire remarquer Aiglon. « Papa a mangé ses racines ? C'est pour ça qu'il n'est pas content et que papa se casse ?» Ça ne valait même pas la peine de répondre, et Blaireau retomba comme un soufflé. « On s'en fiche !» s'écria Chaton en sautant sur une souche pourrie pour se mettre en valeur. « Allons pourfendre l'ennemi, mes amis. Traquons le perfidra qu'a osé abuser de notre confiance. Il doit plus faire d'autres victimes que nous. Ensemble, on vaincra. » Oui, la cape cerise aurait été du plus bel effet. Et les petites bottes en cuir marron glacé lui auraient peut-être évité de s'enfoncer dans la pourriture du bois. La griffe en l'air et des étoiles plein les yeux, Chaton brillait de paillettes imaginaires dans une pose héroïque toute relative. Ses coussinets d'un tendre saumon, bien cuit, trahissaient pourtant sa vie de chat domestique. Mais Blaireau ne se sentait pas l'âme de briser ses rêves. « Je veux bien venir juste pour voir que t'es un gros nul !» lissa l'arlequin pistaché en dardant sa petite langue fourchue comme un sourire. « Vous ne vous en sortirez pas sans savoir !» pérora le Raffaello en remuant son bout démental. « Je vois tout, je vous guiderai !»« Parfait !» s'extasia l'abricot poilu comme s'il avait déjà remporté la victoire. « Nous avons une quête, allons-y gaiement, compagnons aventuriers !» Pitié, gémit intérieurement Blaireau, les paupières closes pour ne pas assister au drame. Cependant, il se savait déjà martyr de cette malédiction. Ils étaient ses amis, il était donc contraint de les suivre. Adieu, les toilettes paisibles dans la rivière, sous le frêne tout sec. Adieu, le rocher du lion, bien chaud, sur lequel il adorait sécher. Adieu, les menottes dodues des bambins qui fourrageaient dans sa fourrure propre. Adieu, sa petite vie tranquille de Blaireau ordinaire. La mort dans l'âme, il quitta son matelas de mousse pour suivre les trois gourmandises un peu trop joyeuses pour son humeur maussade. C'était la fin d'une époque. Blaireau emportait le deuil sur sa robe et il remercia ses bandeaux noirs de si bien masquer ses billettes devenues humides. « Il nous faut un nom de compagnie !» s'exclama soudain Chaton en se retournant vers eux. « Un nom classe, qui montre qu'on est des héros badass !»« Je veux pas être un héros !» siffla la ficelle en remuant ses fausses dents de lait. « Et j'ai pas de fesses !» Un mot qui restera dans les annales, confirma la boule chocolatée en hochant son fromage plein dessus. Ça marquera les esprits. Je pourrai le chanter quand je volerai au-dessus des villages pour conter notre légende. Pourquoi pas le nom de l'endroit d'où nous venons ? Se risqua Blaireau, désireux de garder un morceau de chez lui même dans cet enfer. Poudelard ? Miaula Chaton. C'est mosse, bouda Serpenteau. Pas très épique, corrigea Aiglon. C'est génial, sautilla Chaton dans un sourire dément. Comme ça, on pourra zapper l'intro de notre récit et passer direct au principal. Le nom fut adopté sans autre forme de procès, et Blaireau ne savait pas s'il devait en être content. Tout ce qu'il espérait, c'était de trouver Ratatosk le plus vite possible afin de regagner ses pénates au plus tôt. Mais son vœu ne fut jamais exaucé. Il s'en était douté. Ce fut ainsi que commença la grande aventure de Blaireautin, Chaton, Aiglon et Serpenteau. Elle se révéla riche en événements funambulesques, pleine de péripéties ébouriffantes et de combats renversants contre toutes sortes d'insectes ou de batraciens. Ils rencontrèrent beaucoup de créatures aussi bizarres qu'eux, dont les célèbres boursouflets et leur fourrure chatoyante qui rendit Blaireautin fou de jalousie. Mais cet épisode mériterait son livre à lui seul. Serpenteau ne retrouva jamais son papa. Aiglon n'apprit jamais rien d'intéressant, Chaton ne sut jamais pratiquer l'art martial. Blaireautin ne rentra jamais chez lui. Et surtout, ils ne débusquèrent jamais Ratatosk et ne purent donc pas mettre fin à leur discorde. Ce dernier point était un peu plus dérangeant. Cependant, les amis, ça se disputait de temps en temps, n'est-ce pas ? Ce digne représentant de Loki n'était peut-être pas si néfaste. En revanche, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était que leurs quatre humains de compagnie avaient longtemps attendu leur retour. Et en leur mémoire, ils prirent chacun leur apparence pour symboliser la maison qu'ils venaient de créer. Dans un grand château de pierre froide où nos quatre valeureux héros ne poseront jamais la patoune. Ou le ventre. Mais ceci est une autre histoire. Thank you.